Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne où l'on parle d'investissement rentable et sécurisé. Dans cette nouvelle vidéo, je vais voir avec toi s'il faut avoir ou pas son notaire quand tu fais un achat immobilier. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre la team Esprit Gagnant. Donc, faut-il avoir ou pas son notaire quand tu vas faire un achat immobilier? Donc, tu as fait toute la phase en amont, tu as trouvé ton bien, tu as fait ta négoce, c'est bon, c'est validé. Maintenant, tu as le vendeur qui va souvent te dire: j'ai mon notaire, est-ce que vous avez le vôtre? Et là, qu'est-ce qui se passe? Le mien, mon notaire, non, c'est la première fois que j'achète, j'ai peur. En fait, ça, j'ai déjà un truc, c'est pas parce que tu vas prendre ton notaire que tu vas payer plus cher. En fait, les émoluments du notaire, ils seront divisés à 50-50 entre le notaire vendeur et le notaire acheteur. Donc, ça ne te coûte pas plus cher de prendre ton notaire. Donc, pour moi, voilà, ça ne me coûte pas plus cher de me prendre mon notaire. Et si je prends mon notaire, donc le mien, peut-être qu'il va plus défendre mes intérêts. Donc, ce que je ne faisais pas au début, l'erreur que je ne faisais pas au début, c'est que j'avais le vendeur qui disait: oui, j'ai mon notaire, est-ce que vous prenez le vôtre? Je dis: ah, c'est bon, on prend le vôtre du moment qu'on fait l'affaire. Et en fait, je me suis rendu compte, en prenant un peu plus tard mon notaire, qu'il allait poser des questions que le notaire vendeur ne posait pas. En fait, il va défendre tes intérêts. Et au-delà de ça, un truc super important et dont on parle régulièrement, c'est qu'il faut que tu te construises ta team. Hein, là, tu vois la vidéo de ma chaîne Esprit Gagnant, donc tu viens dans la team Esprit Gagnant, la team des investisseurs rentables. Maintenant, toi, autour de tes projets, il va falloir que tu construises ta team. Donc c'est la même chose, un notaire, ça peut faire partie de ta team. Parce que si tu vas passer chez le notaire une fois, deux fois, trois fois par an, c'est intéressant d'avoir le même, de nouer des liens. Il va te connaître, il va savoir que tu es quelqu'un de plus de sérieux, tu es un vrai investisseur. Donc, c'est plus agréable d'avoir toujours la même personne. Et à côté de ça, si jamais il a une affaire qui rentre, il pourrait penser à toi. Il peut te donner. Moi, la dernière fois, j'ai discuté avec mon notaire, on est resté une demi-heure, trois quarts d'heure après la signature. Et il te donne quelques tips, des choses que tu ne sais pas vraiment parce que tu n'es pas du milieu ou de l'actualité, des choses à faire où il faut faire attention sur des réglementations qui pourraient changer, etc. Donc pour moi, c'est intéressant, ça fait partie de la logique, de l'état d'esprit d'avoir sa communauté, d'avoir son équipe. Et par rapport à ça, pour moi, c'est super important que tu prennes ton notaire. Donc j'entends souvent des gens qui pensent que ça va coûter plus cher. Non, ça ne coûtera pas plus cher. Même, alors la dernière fois, c'était oui, mais c'est sur un petit bien, donc les frais de notaire, ils ne sont pas très élevés, donc j'ai pas envie qu'ils prennent. C'est pas grave, c'est le business. Ils savent très bien que c'est 50-50. Là, il y a une répartition de travail entre notaire, vendeur, notaire, acheteur. Ils savent très bien, ils prennent 50-50. Un petit dossier, ben, ils prendront moins qu'un gros dossier. C'est le business, c'est le jeu. Ils savent très bien. Toi, regarde, toi, tes intérêts. Et tes intérêts, c'est d'avoir ton notaire référent que tu vas prendre sur toutes tes affaires. Parce que si tu me suis, tu es quelqu'un de motivé qui ne veut pas faire juste un achat immobilier dans ta vie, mais tu veux faire plusieurs achats, tu veux devenir rentable, tu veux aller vers l'indépendance financière grâce à tes achats immobiliers. Donc, autant avoir un notaire qui te connaît, qui connaît tes intérêts et qui va savoir te dire aussi. Moi, j'ai déjà un notaire qui m'appelle en disant: Damien, monsieur l'ami, est-ce que vous êtes sûr que cette affaire, elle est bien parce qu'il y a ceci, il y a cela? Donc, on discute, je lui donne les arguments. Il me dit: ah oui, d'accord, parce qu'il ne voit pas forcément tout, hein, c'est que de la paperasse. Des fois, c'est de la paperasse qui n'est pas en plus actualisée. Mais on échange et on crée un climat de confiance que tu auras beaucoup plus de mal à avoir avec le notaire vendeur. Voilà pour cette rapide vidéo où je te conseille fortement de prendre ton notaire et de garder ce notaire au fur et à mesure de tes opérations, de trouver le bon notaire, ce qui n'est pas forcément évident parce que c'est pas forcément un milieu où ils sont super actifs et ils peuvent te rendre fou. Mais voilà, il y a des jeunes notaires qui sont en train de se mettre en place, qui ont envie, qui ont envie de gagner de la clientèle. Et il faut trouver juste, c'est comme pour tous les membres de ton équipe, il faut juste trouver la bonne personne qui va te permettre de créer une bonne relation et que ça soit simple, que ça te simplifie la vie. Donc va vers ça, prends ton notaire. Voilà, en tout cas pour te remercier d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Je te propose de la télécharger gratuitement. Tu trouveras le lien au-dessus ou en dessous de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Maintenant, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager auprès d'amis qui sont investisseurs ou qui ont envie d'être investisseurs immobiliers. Laisse-moi un commentaire pour me dire si toi tu prends ton notaire, si tu passes par le notaire vendeur, etc. Laisse-moi, on interagit. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Tu peux aller directement sur le Messenger de ma page Facebook, je réponds assez vite. Et d'ici en tout cas la prochaine vidéo, j'espère que tu auras fait une nouvelle signature. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao! Mmh.